erreur, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, c'est con, on va s'en occuper. Oh, Malouda. Salut à tous, salut, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Ah, c'est impressionnant. Un after, encore un after sans Polo, malheureusement, qui est toujours occupé avec. Ce sera la jeudi soir, Polo. Il nous fait un petit spécial à la même jeudi. Non, mais il est occupé avec le RC Staline, avec le RC Strasbourg, par exemple. Non, pardon, excusez-moi. Comment tu parles de ce club historique? Mais non, c'est par rapport à Polo, parce que maintenant, Polo, il rigole plus. Ce qu'on dit que c'est le boss, mais c'est pas le boss. Dans tout club marxiste-léniniste, il n'y a pas de patron. Les patrons, il faut les brûler. Donc, Balotelli. Alors, moi, Balotelli, je me dis, on gueule sur Balotelli, mais moi, je trouve que ce qui est rassurant, c'est que dans un monde en pénurie d'eau, avec toutes les réserves qu'il a dans la tête, ce mec, je me dis qu'on est peut-être sauvé, parce que quand même, tu vois, moi j'essaye de voir le bon côté des choses. Alors on a eu en plus la chance d'avoir Planus et Carasso. Carasso, c'est impressionnant comme il est affûté, ce mec. Je sais pas si vous vous rappelez qu'avant c'était quand même un gros Carasso, quoi. Il était énorme, hein. Mais je me dis quand même, s'il était un peu sympa, il donnerait au moins sa technique à Gignac. Le mec, il est passé par l'OM, il est même pas, je sais pas, il y a bien un truc, quoi. Et puis on avait Planus, c'est marrant parce qu'il a un peu le même style que Michalak, trouve pas, il fait un peu joueur de rugby, il a un peu beau gosse à la Michalak, tout ça. Et puis ces derniers temps, il a un peu la même relance un peu que Michalak, seulement ça rapporte un petit peu moins de points, c'est ça qui est dommage. Et puis surtout, ça lui a pas dit tout à l'heure quand il était là, hein. Bah non, parce que je suis une petite bite comme tout le monde. Et puis surtout, comme sponsor, ils ont le sponsor de la soirée, c'est Kia. C'est vrai que je trouve ça va bien avec l'équipe de Bordeaux. Avant que tu dérapes, fais attention, c'est notre partenaire ce soir. Mais je trouve que c'est un très bon partenaire pour l'équipe de Bordeaux. Parce que quand tu regardes Bordeaux, tu te demandes, mais qui y a à Bordeaux? Parce qu'il n'y a plus personne. Et c'est pour ça que je trouve que Kia, c'est quand même le meilleur sponsor qui leur allait, quoi. En même temps, tu vois, ils ont bien fait de rester, parce que tu vois, les mecs qui se sont barrés, Gourcuff, la tribune, Chamac, la tribune, Kavenaghi, Obled, Diarra, à l'OM. Alors vous y allez? Non, on est bien, on va rester, nous c'est bien. Ce sera Francis Gillot, c'est pas grave, on va rester quand même. Enfin bon, il a dit d'ailleurs, Marc Planus, que Lissandro, il avait la force tranquille. T'as vu? Et c'est un mot qui est revenu 25 fois. Le seul mec qui l'a pas dit, c'est Daniel. Je sais pas, c'est le côté Mitterrand de la phrase. La force tranquille, ça t'a pas plu, toi. T'avais envie de trouver un autre mot, t'as pas réussi. Mais on a quand même surtout parlé du gros match du week-end, le classico, le co-leader du championnat qui rencontre une équipe pleine de talents mais à la ramasse, mais qui est pas à sa place. Mais c'est un match particulier, ça a été chaud jusqu'au bout. Il y a eu 2-1 et la victoire à domicile de Montpellier. Mais non, Montpellier Sochaux. Mais moi, mais le classico, Nicolas contre Peugeot, les bennes à ordures contre les voitures. Oui, non, c'est vrai que ça ressemble plus au camion poubellico. C'est vrai qu'il y a un mélange de camions et de poubelles, mais non, mais non, attention, Sochaux-Montpellier, c'est pas un derby. Ah non, pardon, c'est pas Sochaux-Montpellier derby, c'est Sochaux-Montbéliard. Je les confonds tous les deux. En même temps, c'est sûr qu'ils sont sûrs de gagner. Sochaux-Montbéliard, c'est la même équipe. Oui, je sais que tout le monde s'en fout. Hein. Je sais qu'il n'y a pas un Sochaux. Il y a un Sochaux dans la salle. Merci. En même temps, c'est normal. Le mec est supporter de Sochaux, pareil, il y a un problème. Hein. Non, ici c'est Aubervilliers. Ouais. Ici c'est. Paris. Ici c'est Paris. Non, je vais te dire, c'est Aubervilliers, putain, les mecs. Là, ça me fait marrer, les mecs, ils disent c'est pareil, on est Aubervilliers, c'est 1 km. Alors tu vas me dire, c'est presque pareil. Non, parce que moi, ça m'énerve. C'est les mecs de banlieue, tu sais, quand tu leur demandes, toi, t'es d'où? Bah, moi, je suis de Malakoff. Ah ouais, c'est sympa. Et t'as te fait pas chier de pas habiter Paris? Bah non, Malakoff, c'est hyper bien. Il y a plein de trucs, il y a des espaces verts. Les mecs sont hyper fiers. Par contre, quand ils vont à New York et qu'ils draguent une gonzesse, la meuf lui dit, where are you living? Non, where are you from? Where are you from? C'est mieux en anglais. Non, mais non, c'est, alors, j'ai ça, pas demandé d'où elle vient. Where are you from? Non, non, j'ai I pas. From, non, non. Tu dis I'm from Paris. Non, mais elle te demande. Je vais demander, ça, elle peut lui demander où est-ce qu'il vit. Ah, d'accord. Ouais, tu mais parles, c'est un peu qu'une phrase en anglais, toi, c'est are ça? You, where are you from? Bah, tu peux dire where are you from ou where do you live? Paris. Bon. Et donc, where are you from? Si vous préférez Dacour, qui a pris 3 phrases en anglais et qui se la raconte. Le mec dit rarement Malakoff. Parce que t'imagines en soi. Hey, where are you from? Malakoff. Wow, Malakoff. Where is Malakoff? Yeah, le stade Léo Lagrange. La déchetterie. Le square. Et Jean Carmé. Enfin, tu vois, bon, bref, quoi. Donc, en général, pour draguer, tu dis quand même Paris, même quand t'habites dans le 83. Alors, non, mais moi, ce que j'ai aimé dans l'avant-match. Dans le 83, il y a des gens qui habitent dans le 83, non? Alors, les gars du 8-3, tu sais. L'avant-match, il y a eu un tifo géant sur la pelouse au Parc des Princes. Vous avez vu le tifo géant, pop-pom girl, golden bar, concours de tir, des clips d'encouragement. Ce qui est bien, c'est que le budget d'ambiance du parc, c'est à peu près le budget de 2 équipes de Ligue 1. Il y a du spectacle, hein. Enfin, il y a du spectacle avant, parce que pendant, après, c'est un peu plus les chocottes. Hein. Alors, Pastore, j'aurais quand même revenir sur notre ami Javier Pastore. Alors, on nous avait dit qu'il avait de l'or dans les pieds. Pour l'instant, il y a quand même du plomb dans les godasses. J'aimerais bien savoir où est l'alchimiste parce que il nous a quand même bien enflé celui-là. Hein. Mais pour un moment, il paraît que ça va venir. Hein. Ça va venir. Et puis Daniel, moi, ce que j'ai aimé Daniel ce soir, c'est sa sobriété parce que Daniel après, c'est un peu génial. Ça me fait penser à la pub pour Tropicana, tu sais, qui passe à la radio en ce moment. La pub pour Tropicana, c'est ça. C'est ben Daniel, c'est pareil. Bonjour, c'est Eduardo. Chez RMC, chez nous, à RMC, après un PSGOM, Daniel à l'antenne, ça donne ça. Alors que dans sa tête, c'est ça. Yeah! Il est génial. Non, mais ce qui fait marrer chez Daniel, c'est qu'avant le match... Avant le match, il y avait un auditeur, c'est véridique. Hein. Il y avait un auditeur qui lui dit ouais, n'empêche que nous Marseille à l'aller on a gagné 3-0 et au retour on a gagné 2-1, donc au final on a gagné. Et puis Daniel il dit ouais, mais si j'étais supporter parisien, je te dirais que ouais, c'est pas un match de Coupe d'Europe et que n'empêche que Paris ils ont gagné. Si j'étais supporter parisien, je te dirais qu'on vous l'a quand même bien mis dans le cul et que vous l'avez bien dans l'os et qu'il y a 23 points d'écart. Mais ça, c'est si j'étais supporter parisien, il a dit. Et ça, c'est bien de le dire. C'était juste pour préciser. Il avait rien à voir. Y a-t-il un Marseillais dans la salle ? Oui ! Alors toi, t'es génial, parce que bravo. Parce que soit t'es courageux, ouais. Soit t'es inconscient, ouais. Soit t'es malade, non. Soit t'es dangereux. Aussi. Soit les quatre. Et bravo quoi. Non, en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y avait pas de supporters marseillais dans les tribunes. Pour une des rares fois, il y avait, c'est sur la tribune des visiteurs, il n'y avait que des parisiens. Je me suis dit, ça serait génial que Branda ou Imar, s'il est capable d'aller le fêter le but avec eux, ce con. Eh hey, les gars, je vous marque le but. Ouais, enculé. Surtout, non, parce qu'en plus, enculé avec Branda, surtout, ils l'ont entendu. Surtout que c'est pas bon. Enfin, c'est pas le verbe qui pose problème, c'est le participe passé, les gars. Même si, tant que ça n'a pas été prouvé, on ne jugera pas. Alors, moi j'ai remarqué qu'à l'OM, Brandao, si vous avez vu que les numéros des maillots, Brandao est numéro 9 et Gignac est numéro 10. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient vachement confiants en début de saison, quoi, quand ils ont filé les maillots. C'est-à-dire que le mec, il dit, ouais, qu'est-ce t'as branlé sur les maillots, là? Qu'est-ce que t'as mis, numéro 10? Eh ben, j'ai mis ce que tu m'as dit André. Mais j'ai dit Ayou, j'ai pas dit Pierre Gignac. Oh merde. Et alors, André, alors donc du coup André, lui là, je crois, il a le 20. Et j'ai vu que c'est marrant parce que son frère Jordan, il a le 23. Alors c'est marrant parce qu'il s'appelle Jordan. Le 23. Jordan. Oui, merci. Oui, ben Michael. Non, mais c'est-à-dire que le mec, il se la raconte pas du tout, le mec. T'imagines si tout le monde devait trouver. Alors, c'est pour ça que j'ai prévu un petit quiz. Si tu devais trouver un numéro à chaque mec en fonction de son nom. Alors, par exemple, Benoît Chirou. 7. 16. Benoît 16. Putain, regardez fort. Charles Cabouret. Charles 2, 3, il y en a 5. Charles 5, c'est le plus connu. Charles 15. Bon, oui. Nicolas Nkoulou. 2, Nicolas 2. Putain, les mecs, faites un effort. Fanny. 13, bah 13 oui. On est Fanny. Oh merde, putain les mecs, faites un effort. Bon alors Valbuena. Personne. Bien. Un demi. Je vous saluerai bien. Ouais, c'est bon. Diawara. Le 20 ou le 51. Parce que avec un bon verre de vin, t'es sous les manes. Bah excusez-moi, pardon. Oh. Diarra. Putain, c'est de plus en plus pourri. Hein. Diarra. Allô Diarra. Eh ben, Alou 118-712. Alou 118-712. Bon, c'est un petit poil sur le maillot. Et facile, alors le dernier, Amalfitano. Morgane, par rapport à Clara. Le 69, les mecs. Ah, ben oui, oh, putain, sûr. Vous êtes vraiment nuls. Hein. Je fais pas de quiz avec vous. Alors, moi, je voudrais quand même dire pourquoi Marseille peut gagner. Parce que tout le monde dit, ouais, Marseille, ils vont perdre contre Montpellier. Mais non! Moi, j'ai trois bonnes raisons pour lesquelles Marseille. Déjà, parce qu'il reste 8 matchs à NBA pour rattraper Messi au classement des buteurs européens et qu'il faut pas traîner. Ça reste jouable, il est qu'à un but. Hein. Non, il est pas qu'à un but de Messi, il est qu'à un but tout court à NBA. Mais on sait jamais, comme il est limite ballon d'or. Il y a aussi parce que les supporters marseillais ont décidé d'encourager leur équipe à perdre. Et ils sont complètement cons, ça marchait pas quand ils les encourageaient à gagner. Il y a pas de raison que ça change. Pourquoi changer une méthode qui réussit? Tu continues de leur dire de gagner, ils vont perdre. Sinon tu vas les perturber les mecs. Deuxième, troisième chose, tout simplement parce que Chérou, Gignac et Brandagol, s'ils essayent vraiment de tirer à côté, il peut y avoir bon espoir qu'ils la mettent dedans. C'est ça surtout quoi. Donc je me dis que ça fait des bonnes chances. Et puis surtout, je voudrais parler du président Rousselot, alors Nancy, qui a gagné 2 matchs d'affilée. Alors après avoir dit putain, bon Dieu que c'est bon de gagner. Deuxième victoire, il chante Aline. Je me dis, il faut absolument battre Nancy, les mecs, parce que sinon on va le retrouver en tutu avec une plume dans le fion en train de jongler avec des bananes sur l'air de Big Bisou. La Stanislas à Nancy, donc s'il vous plaît, les Bordelais, battez Nancy, quoi, parce que moi j'ai très peur pour lui. Et puis, je vais finir sur une dernière chose, c'est que Toulouse a encore pris un carton rouge. C'est l'équipe qui prend le plus de cartons rouges et qui fait le plus de fautes. Et je me dis, tu fais un match Toulouse-PSG avec Sissoko et comme arbitre Tony Chaperon, ça peut être énorme. Et puis, quand même, je voudrais dire quand même à Tony Chaperon, qui a encore sorti les biscottes, ça serait bien qu'il pense au petit pot de beurre parce que ça ferait moins mal. Merci à tous. Bonne soirée.